الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, celui qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Celui qui est certes parfaitement connaisseur et qui entend ses serviteurs. Celui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque désire y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Arsalahu Allahu ta'ala shahidan wa mubashshiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Allah Jalla wa Ala l'a envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Pour appeler les gens à Allah par sa permission et en tant qu'une lampe éclairante. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. والله بقلعوا بيان près de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses proches et ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayyuha al-ahibbatu fillah, mes chers frères et sœurs, ceci est notre 20e rencontre parmi les rencontres de notre noble série Marahilud Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernière rencontre les 5e et 6e causes du châtiment de la tombe, à savoir An-Namima, le fait de semer la discorde entre les gens par la langue. Et la deuxième cause, le fait de ne pas prendre garde de se souiller avec l'urine. Et aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, nous allons aborder une autre cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Une cause qui a été citée et évoquée dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque nous montâmes vers les cieux, nous passâmes par des gens aux ongles de cuivre, avec lesquels ils se griffaient leur visage et leur poitrine. Puis je dis: Ya Jibril, qui sont ces gens-là? Et alors il me dit: tels sont ceux qui ont touché l'honneur des gens, Tels sont ceux qui médisaient sur les gens. Donc le jour où Allah Jalla wa Ala a fait voyager son messager alayhi salat wa salam lors du voyage nocturne al-Isra. Cette nuit-là, Allah Azza wa Jal lui a montré certaines de ses grandes merveilles claires et certains de ses grands signes évidents. Et le prophète alayhi salat wa salam vit également quelques cas de gens dans le monde intermédiaire d'Arul Barzakh. Et parmi eux, ces gens qui possédaient des ongles de cuivre, en train de se griffer et en train de se déchirer le visage et la poitrine. Et wallah, ceci est une image affreuse et terrible. Et lorsque le messager d'Allah alayhi salat wa salam demanda à leur sujet, Jibril alayhi salam lui dit que ces personnes étaient ceux qui touchaient l'honneur des gens, ceux qui médisaient sur les gens, ceux qui mangeaient la chair des gens en faisant la médisance. La médisance, elle riba, ayyuha l'ikhwa. Min asbab azab al-qabr. Parmi les causes du châtiment de la tombe. La médisance, elle riba, c'est le fait de dire du mal sur quelqu'un en son absence. Un jour, le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, demanda à ses compagnons afin de leur enseigner et de leur apprendre et leur dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Et alors ils dirent « Seul Allah et son messager le savent. » Puis il dit « Sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dire du mal de ton frère en son absence. » Puis un homme dit « Ya Rasulallah, et si ce que tu dis sur lui est vrai ?» Alors le messager d'Allah alayhi salat wa sallam lui dit « Si ce que tu as dit sur lui est vrai, tu as médit sur lui. Et si ce n'est pas vrai, alors c'est de la calomnie et de la diffamation. » Donc la médisance, elle riba, est le fait de dire du mal ou de citer un défaut dans la religion ou dans le comportement ou dans la forme ou dans l'argent ou dans l'apparence ou dans la famille d'une autre personne en son absence. Même si ce qui a été dit a été vrai, cela reste tout de même de la médisance interdite et illicite. Et si ce n'est pas vrai, alors cela est de la calomnie et de la diffamation. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que la médisance a touché malheureusement même les gens de bien qui adorent Allah Jalla wa Ala et qui possèdent de la science. Et ce, sans compter le reste des gens. Et elle est malheureusement devenue le fruit des réunions et des séances, et le fruit des rassemblements, jusqu'au point où tu ne peux pas trouver un groupe de gens parler sans médire. Car elle est devenue tel un fruit sur une table à manger, et les gens alors se mangent la chair les uns les autres, comme si cela était normal, et comme si cela était banal, sans que personne ne leur interdise. Et c'est pour cela que nous disons que les musulmans sont sortis du chemin guidé de l'islam, et que les musulmans ont désobéi à l'interdiction de leur Seigneur Tout-Puissant, Azza wa Jal. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent selon Abi Bakr, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, a dit, lors du pèlerinage, vos âmes, votre argent et votre honneur sont sacrés pour vous, comme la sacralité de ce jour-ci, et de ce mois-ci, et du pays dans lequel vous êtes. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salat wa salam a dit, l'âme du musulman ainsi que son argent et sa dignité sont sacrés. Et avant de vous parler des preuves de l'interdiction formelle de la médisance, ainsi que de sa punition, de son châtiment et de sa gravité, nous souhaiterions parler des causes et des motifs qui poussent les gens à tomber dans la médisance. Car en effet, il vaut mieux prévenir que guérir. Mes chers frères et sœurs, la médisance possède des causes et des motifs, comme par exemple la haine provenant d'une dispute entre deux personnes. Et alors, lorsque l'une d'eux s'absente, l'autre est poussée à médire sur elle. La deuxième raison, c'est lorsque quelqu'un veut diminuer la valeur et l'importance qu'il donne à une autre personne, afin de montrer aux gens qu'il est lui considérable et important. Et alors, il médit sur cette personne en prétendant par exemple que c'est un ignorant et qu'il ne comprend pas rapidement et qu'il comprend mal et il désire ainsi par cela se donner de l'importance vis-à-vis des gens. La troisième raison, ayyuha al-ahbab, est la jalousie al-hasad. C'est lorsqu'une personne sait que les gens aiment et admirent et apprécient beaucoup une autre personne. Et ainsi, il l'honore et il la comble de bienfaits. Et alors la première personne médit sur elle et parle sur son dos dans le but que les gens ne l'aiment plus comme auparavant. Parmi les raisons de la médisance également, le fait de tomber dans la médisance en voulant faire plaisir à certaines personnes. Un exemple, une personne se trouve dans un groupe de gens qui eux, médisent beaucoup. Et il ne le leur interdit pas. Pourquoi ? De peur qu'ils l'abandonnent. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il médit lui aussi. Parmi les raisons également, faire rire les gens en parlant sur les gens. Faire rire les gens en faisant de la médisance. Et telles ainsi sont quelques raisons qui poussent et qui amènent les gens malheureusement à tomber dans la médisance. Al-riba. Et ce sont des raisons qu'il est obligatoire d'éviter. Car certes, les moyens ont le même jugement que leur but. Ayyuha al-ikhwatul kiram, mes chers frères et sœurs, sachez qu'Allah Jalla wa Ala a classé la médisance comme étant un grand péché. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Et ne médisez pas les uns sur les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère étant mort ? Non, certes vous en auriez horreur. Craignez donc Allah. Certes Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Alors à celui qui médit sur son frère, et à celui qui dit du mal sur lui, nous lui disons que ce que tu fais, ayyuhal akh, c'est comme si tu mangeais la chair de ton frère étant mort. Et Allah a certes employé, et a certes utilisé cette comparaison, car certes la personne sur laquelle on a médit, la personne sur laquelle on parle derrière son dos, ne peut pas se défendre, car on parle sur son dos, et elle est ainsi, tel un mort qui ne peut se défendre. L'imam At-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission bonne selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Celui-ci a dit, un jour nous étions assis en présence du prophète alayhi salat wa salam, puis une personne s'absenta. Soudainement, une autre personne commença à médire sur la personne absente. Et alors le messager d'Allah alayhi salat wa salam s'adressa à la personne qui a médit et lui dit « Nettoie tes dents. Nettoie tes dents. » Et alors la personne lui répondit « Mais je n'ai pas mangé de viande. » Et alors le messager d'Allah alayhi salat wa salam lui dit « Tu as certes mangé la chair de ton frère. » C'est pour cela que certains ont dit que celui qui fait de la médisance, on lui emmènera le cadavre de la personne sur laquelle il a médit et on lui ordonnera de manger sa chair. Wal'iyadu billah. Un jour, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, était avec quelques amis à lui. Puis ils passèrent devant le cadavre d'un mulet. Et alors il dit, si quelqu'un mange la chair de ce cadavre, c'est mieux et préférable pour lui que de manger la chair de son frère. Al-riba, la médisance, mes chers frères et sœurs, min asbab adab al-qabr, est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. La médisance est une preuve de la faiblesse de la foi. Et c'est également un signe parmi les signes des hypocrites. Et la preuve en est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Barzat al-Aslami, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous qui avez cru avec votre langue, sans que la foi ne rentre dans le cœur, ne médisez pas sur les musulmans et ne suivez pas leurs défauts, car quiconque suit les défauts d'un musulman, Allah suivra son défaut, et quiconque Allah suit son défaut, Allah le dévoilera, même s'il se cache à l'intérieur de chez lui. » La médisance est ainsi parmi les signes de l'hypocrisie. Et c'est pour cela que le messager d'Allah alayhi salat wa salam a utilisé cette forme de rappel. Ô vous qui avez cru avec votre langue, sans que la foi ne rentre dans le cœur. Et Allah nous a certes dit, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ نُمَزَةٍ. Malheur à tout calomniateur et diffamateur. Une menace pour les calomniateurs et pour les diffamateurs. Et ici, le calomniateur signifie celui qui fait de la médisance, et le diffamateur, celui qui se moque des gens. Et ainsi, ces deux genres de personnes ont été menacées par Allah et Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, vous avez certes également entendu lors de notre dernier discours la punition et le châtiment réservés à celui qui commet l'usure, al-riba. La punition réservée à l'usurier, au greffier, à l'agent et aux deux témoins. Mais sachez, ayyuha al-ahbab, que la médisance al-riba peut être plus grave et plus dangereuse que certaines sortes d'usure. L'imam Abu Daoud a rapporté avec une chaîne de transmission authentique, selon Saïd ibn Zayd, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les plus graves sortes d'usure, le fait de médire sur l'honneur et la dignité d'un musulman sans y avoir le droit. Parmi les plus graves sortes d'usure, le fait de médire sur l'honneur et la dignité d'un musulman sans y avoir le droit. Donc la médisance peut dépasser certaines sortes d'usure dans la punition, dans le châtiment et dans le péché et dans la transgression. Et de plus, Allah a certes montré à son prophète alayhi salat wa salam et à certains compagnons un aspect du châtiment de la médisance dans ce bas monde avant l'au-delà. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne selon Jabir radiallahu anhu. Celui-ci a dit, un jour nous étions assis en présence du messager d'Allah alayhi salat wa salam, puis nous avons soudainement senti une odeur puante et mauvaise. Alors le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, savez-vous d'où vient cette odeur? Les compagnons ne disent rien. Puis le prophète alayhi salat wa salam leur dit, telle est l'odeur de ceux qui médisent sur les croyants. Telle est l'odeur de ceux qui médisent sur les croyants. Donc ayyuha al-ikhwa, ceux qui médisent sur les gens, non seulement ils se grifferont, non seulement ils se déchireront le visage et leur poitrine avec leurs ongles de cuivre, mais en plus de cela, ayyuha al-ikhwa, ils dégageront une odeur tellement puante et mauvaise que le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons l'ont senti dans ce bas monde. Et ne pensez pas que la médisance se fait ou se commet en prononçant de longs propos et un certain nombre de phrases. Elle peut se faire en un seul mot. Un seul mot suffit pour médire et un seul mot suffit pour tomber dans ce grand péché. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Aïchata radiallahu anha. Celle-ci a dit un jour, en s'adressant au messager d'Allah alayhi salat wa salam, cela te suffit que sa fille soit comme cela. Et par cela, elle voulait dire petite. Elle a donc cité uniquement un défaut de la femme du prophète alayhi salat wa salam. Et alors le messager d'Allah alayhi salat wa salam se retourna alors vers elle et lui dit, Iwallah, tu as prononcé un mot, si on le mélangeait avec l'eau de la mer, il l'aurait changé. Un seul mot, si on l'avait mélangé avec l'eau de la mer, sa couleur et son goût et son odeur changeraient. Et certes le prophète alayhi salat wa salam a été véridique. C'est un mot que l'on considère et que l'on pense comme étant léger. Mais certes, auprès d'Allah et Azza wa Jal, il demeure immense, et il demeure considérable, et il demeure grave et dangereux. Si un seul mot change la couleur de la mer, ayyuha al-ikhwa, et engendre et provoque la colère d'Allah et Azza wa Jal, qu'en est-il de ceux que l'on prononce de nos jours comme propos et comme paroles de médisance? Aujourd'hui, certes, mes chers frères et sœurs, de nos jours et malheureusement, certes les bouches, certes les mâchoires, et certes les dents sont remplies de chair et de sang. À cause de quoi? À cause de la médisance. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. L'un de nous, lorsqu'il s'assoit avec un groupe de gens, il tombe dans la médisance, et ce, sans se juger, ni se contrôler, et ainsi, il a totalement oublié qu'il ne prononce pas une parole, sans avoir auprès de lui deux observateurs, prêts à l'inscrire. Chaque mot qu'il prononce sera inscrit. Chaque mot qu'il prononce sera écrit, car la personne peut prononcer un mot, sans en donner importance. et tout en pensant que ce n'est pas grand-chose. Mais ce mot sera en fait une cause pour le faire descendre au fin fond de l'enfer, wal'iyadu billah, et ce pendant 70 ans. Et lui causera certes sa perte dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Car la langue, mes chers frères et sœurs, la langue est un organe que l'on se doit de contrôler. Et la langue est un organe que l'on se doit de maîtriser, voire d'attacher et d'emprisonner. Car c'est en effet la plus grande cause du châtiment de la personne dans sa tombe. Même si celle-ci accomplit la prière, même si celle-ci accomplit le jeûne. Car certaines personnes ont tendance à penser que le fait de jeûner, et le fait de prier, et le fait de faire le pèlerinage, et d'acquitter l'aumône, et de respecter ses parents est suffisant. Mais ceci n'est pas vrai. Et bien au contraire, il faut prendre en considération nos comportements avec nos frères, et nos comportements avec les gens en général. Et ainsi, si la personne ne contrôle pas sa langue, il sera peut-être à cause de cela châtié dans sa tombe. Et ceci est certes lié avec ce que nous avons dit dans le dernier discours, en ayant parlé de Namima. L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Bakr, radiallahu anhu, celui-ci a dit, un jour je marchais avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'il tenait ma main, il y avait une autre personne à sa gauche. Et lorsqu'on arriva près de deux tombes, il nous dit, ces deux hommes se font châtier, qui pourrait me ramener une branche de palmier? Alors Abu Bakr dit, on se précipita, mais je fus le plus rapide, et je lui ramenai la branche de palmier, puis il la brisa en deux, alayhi salatu wassalam, et il planta un morceau sur chacune des deux tombes. Puis il dit, j'espère qu'Allah allégera leur châtiment jusqu'à ce qu'elle se dessèche. Car certes, ils se font châtier pour pas grand-chose. L'un d'eux commettait la médisance, et l'autre ne prenait pas garde de se souiller avec l'urine. Et certes, dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim que l'on a vu dans le précédent discours, ce hadith précise que l'un des deux hommes se faisait châtier à cause de Namima. Mais dans ce hadith-là, qui est différent du précédent, il s'agit bien de la médisance al-riba. Et ainsi nous demandons, et nous recommandons à ceux et celles qui commettent la médisance, à ceux et celles qui se regroupent dans les cafés et dans les réunions en général, de craindre Allah Azza wa Jal. Car certes les fruits que vous allez récolter dans vos tombes seront certes très amers, et ce que vous cultivez dans ce bas monde est très mauvais, et ceci concerne certes toutes les personnes en général. Mais il y a certes une catégorie de personnes spécialisées malheureusement dans la médisance, An-Nisa. Les femmes. Alors si des femmes nous écoutent, nous leur disons de craindre Allah et Azza wa Jal. Surtout, ces jours-ci, lorsque la médisance est devenue la mode et le passe-temps de la plupart des femmes, surtout lorsqu'elles se rassemblent dans des mariages, ou lors des funérailles, ou à d'autres occasions, elles se rencontrent, et elles se mettent toutes à médire, et elles s'entraident même en ajoutant des choses, et en enlevant d'autres, et même en insultant. Et là alors, intervient le rôle du mari sage qui se doit d'éduquer sa femme, afin qu'elle contrôle et afin qu'elle maîtrise sa langue. Et il se doit ainsi de l'avertir de ce grand péché. Car certes, si elle meurt sur cela, elle sera châtiée dans sa tombe. Et le jour du jugement, on amènera à l'enfer et peu s'en faudra que de rage n'éclate. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ » Et ce jour-là, on amènera à l'enfer. Et l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira ce souvenir? Et il dira, hélas, si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. L'imam muslim rapporte, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, on emmènera à l'enfer le jour du jugement. Elle aura 70 000 chaînes, et à chaque chaîne, 70 000 anges en train de le tirer. Et lorsque les prophètes et les anges verront alors l'enfer avec son gémissement pendant qu'il bouillonnera, peu s'en faudra que de rage il n'éclate, en train de dire « Hel mim mazid ?» Y en a-t-il encore? Les anges, les prophètes, les messagers se jetteront alors prosternés devant Allah et Azza wa Jal, et ils diront alors « Ya Allah, épargne-nous, épargne-nous !» Et soyez sûr alors que tout le monde passera par cela. Donc, ayyuhal akh, mon frère, si tu crois vraiment à cela, Tâche de te préparer en te munissant de bonnes œuvres. Et si tu n'y crois pas, et si tu démens cela, alors tu es certes parmi les mécréants. Tout le monde verra, tout le monde observera, tout le monde apercevra le feu qui flambera. Et là, les gens chercheront alors les bonnes œuvres. Et là, les gens alors chercheront les bonnes actions et les regrouperont. Mais sachez certes que personne ne donnera de ses bonnes œuvres à quelqu'un d'autre, à un tel point que la mère ne donnera rien à son fils. Naam. Pourquoi? Car tout le monde ne pensera qu'à lui-même ce jour-là. Car ils seront certes face au feu. Ils seront certes face au châtiment et à la punition. Puis ensuite, commencera et débutera le jugement entre les créatures. Et on établira les balances. Il y aura alors des gens qui viendront accompagner de bonnes actions telles des montagnes. Des personnes qui avaient peiné dans ce bas monde pour les amasser et les obtenir. Des personnes qui ont souffert et qui ont patienté pour acquérir ces bonnes actions. Des bonnes œuvres provenant de la prière. Des bonnes œuvres provenant du jeûne. Des bonnes actions provenant de l'aumône et du pèlerinage. Des bonnes actions provenant des aumônes surérogatoires et d'autres bonnes actions, telles des montagnes. Et ils seront alors fiers de ces bonnes actions. Puis, ils verront devant eux des gens qui se présenteront à eux. Pourquoi cela? Ils se présenteront à eux pour leur demander leurs droits. Car ce sont sur eux qu'ils auront médit dans ce bas monde. Et car ce seront eux dont ils ont mangé la chair dans ce bas monde. Et alors, ils commenceront à leur prendre de leurs bonnes œuvres. À leur prendre des bonnes œuvres provenant de leurs prières. Et provenant de leur jeûne, et provenant de leur aumône, et provenant de leur pèlerinage, et toutes leurs bonnes actions, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de bonnes actions. Puis, ils seront forcés à leur donner de leurs mauvaises actions. Imagine-toi, ayyuhal akh, ces gens prendront et récupéreront des péchés malgré eux qu'ils n'auront jamais connus. Et pourquoi? Car ils auront médit, et car ils seront tombés dans la médisance dans ce bas monde. Et la preuve en est, ce que rapporte l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, savez-vous qui est le ruiné al-Muflis? Alors ils dirent, c'est celui qui n'a même pas un dirham et qui ne possède rien. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur répondit, le ruiné al-Muflis dans ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jours de jeûne, des aumônes. Mais il aura insulté celui-ci, et il aura giflé celui-là, et il aura frappé et tué celui-ci, et il aura médit sur celui-là. Puis ces gens-là prendront de ses bonnes actions jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, et là il prendra alors de leurs mauvaises actions, puis on le jettera en enfer. Toutes les bonnes actions qu'il aura acquéries, des prières qu'il aura accomplies pendant des années et des années, du jeûne avec lequel il sera fatigué, du pèlerinage pour lequel il aura dépensé efforts et richesses, toutes ces bonnes actions disparaîtront. Et toutes ces bonnes actions deviendront telles des poussières éparpillées. Et elles partiront alors vers ces gens sur lesquels il aura médit dans ce bas monde. Et c'est pour cela que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, quiconque a été injuste envers son frère, en ce qui concerne son argent et sa dignité et son honneur, c'est-à-dire en ayant médit sur lui, qu'il le purge et qu'il l'acquitte aujourd'hui, avant le jour du jugement où il n'y aura ni dinar ni dirham. Ainsi, il est obligatoire, mes chers frères et sœurs, de surveiller nos langues et de contrôler nos paroles et ce que l'on dit afin de ne pas tomber dans la médisance et afin de ne pas commettre ce grand péché, afin de ne pas toucher la dignité et l'honneur des gens. Et sachez que la médisance, elle rive, est interdite pour celui qui parle, mais également pour celui qui l'écoute et qui l'entend. Donc il est interdit d'entendre quelqu'un médire. Et la preuve en est ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et lorsque tu vois ceux qui partagent des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec le peuple des injustes. Pourquoi? Car le fait d'égoutter la médisance sans rien dire représente une aide à la propagation du péché et une aide à la propagation de la transgression. Allah Jalla wa Ala nous dit « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Entraînez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, certes Allah est sévère en punition. Et dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, selon Itban ibn Malik, radiallahu anhu, celui-ci a dit, un jour le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a fait la prière, puis il dit, où est Malik ibn al-Durshum? Et là, un homme dit, cet homme-là est un hypocrite qui n'aime pas Allah et son messager. Et alors le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit, ne dis pas cela, car cette personne a dit la ilaha illallah en cherchant l'agrément d'Allah. Et quiconque a dit la ilaha illallah en cherchant l'agrément d'Allah, Allah lui interdit l'enfer. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim également, lors de la bataille de Tabouk, lorsque le prophète, alayhi salatu wasalam, a vérifié la présence de ses compagnons, alors que Ka'b ibn Malik était parmi les trois qui étaient restés à l'arrière, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam demanda aux gens à son sujet. Et alors un homme de Bani Salam dit alors, il a été distrait par ces deux capriers qu'il ne cessa de regarder. Cet homme médit ainsi sur Ka'b ibn Malik. Et alors, ici, Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu fit arrêter cette personne de parler. Il lui dit, ce que tu as dit est détestable. Puis il s'adressa au prophète alayhi salatu wasalam en lui disant, Ya Rasulallah, on ne sait que du bien de Ka'b ibn Malik. Donc mes chers frères et sœurs, il est obligatoire de défendre celui qui se fait médire par quelqu'un. Et on se doit d'interdire ou bien de quitter le groupe. Car il nous incombe de défendre la dignité et l'honneur des musulmans et des musulmanes. Et l'imam Ahmed a rapporté, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Darda, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, quiconque défend l'honneur de son frère musulman, Allah défendra son visage contre l'enfer le jour du jugement. Et dans une autre version authentique, il dit, alayhi salatu wasalam, quiconque défend le droit d'un musulman, Allah se devra de le libérer de l'enfer. Donc, ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, craignez Allah Azza wa Jal et préservez vos langues de la médisance et de tout ce qui cause le châtiment de la tombe et le châtiment dans l'au-delà. Et ainsi défendez l'honneur et la dignité des uns et des autres et que chacun de vous protège l'autre. Et en tenant ces propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Comme vous pouvez le constater alors, la médisance, al-riba, est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et rien ne peut être utile en sa compagnie, ni la prière, ni le jeûne, ni l'aumône, ni le pèlerinage, ni d'autres adorations. Donc nous devons, et il nous incombe de nous purifier, et de purifier nos langues, et de les redresser dans le droit chemin, avant notre mort. Car sinon certes, ce sera la perte et le regret, un regret qui nous attend, mais un regret inutile. Et sachez également que les savants ont évoqué un certain nombre d'exceptions, c'est-à-dire des cas où ce ne sera pas de la médisance. Et ceci est en accord avec la plupart des savants. Le premier cas est la médisance commise par une personne qui se plaint d'une injustice auprès d'un juge ou bien auprès d'un savant. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari selon Aïchata radiallahu anha. Celle-ci a dit, un jour, Hint bint Utba radiallahu anha vint auprès du prophète alayhi salatu wasalam se plaindre. Et elle dit, Abu Sufyan est radin. Il ne me donne pas ce qu'il me suffit ainsi qu'à mes enfants. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wasalam lui répondit, prends ce qui te suffit à toi et à tes enfants d'une manière convenable. Donc ici, le hadith montre bien que Hind a médit sur son mari en citant un de ses défauts au prophète alayhi salatu wasalam, qui celui-ci ne lui a pas interdit ni reproché d'avoir dit du mal sur son mari, mais bien au contraire, il lui a autorisé de prendre ce qui lui suffisait à elle et à ses enfants d'une manière convenable. Le deuxième cas est le fait de demander de l'aide afin d'interdire un mal ou de le changer, par exemple lorsque tu veux dénoncer un mal ou quelque chose d'illicite auprès d'une association ou bien auprès d'un homme qui a le pouvoir de changer ce mal. Ce dénoncement ne fait pas partie de la médisance interdite, mais bien au contraire, il fait plutôt partie des bons conseils, car cela représente une entraide pour interdire et pour enlever le mal et le blâmable dans la communauté. Le troisième cas, c'est le fait de poser une question pour avoir une loi juridique. Comme nous avons vu dans le hadith de Hind, que l'on vient de citer par exemple, une personne vient vers un savant afin de lui poser une question sur une injustice commise contre lui. Mais l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a tout de même dit que le mieux pour cette personne est qu'il ne cite pas le nom de la personne injuste et qu'il dise par exemple, « Que pensez-vous de quelqu'un qui fait ceci et cela ?» sans le citer par son nom. Le quatrième cas où le conseil est obligatoire, et ceci, ce conseil est de plusieurs sortes. Premièrement, le fait de citer les défauts des gens qui rapporte le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, afin que ce hadith soit authentique, et afin que l'on n'en prenne que de hadith authentique et bon pour enseigner la science. Cela doit se faire par contre par des savants spécialisés dans cette science. Et on rajoute là-dessus le fait de citer les défauts de certains égarés et de certains menteurs, qu'ils veulent égarer la communauté musulmane, car ceci fait partie de la défense de l'islam. Mais si un des savants se trompe, et un autre savant découvre cela, le mieux, c'est qu'il le contacte, et non qu'il le dévoile devant tout le monde, à un tel point que certains mettent des doutes sur la bonne intention et sur la religion de ce savant, ou peut-être pire, ils le font sortir de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme c'est le cas de certains jeunes de nos jours qui se prétendent avoir de la science. Ils jugent alors les savants, et ils jugent les prêcheurs vers Allah. Ces gens-là n'ont pas d'autre souci que de citer les défauts d'autres savants. Celui-ci est un innovateur, celui-ci est un ignorant, etc. Donc si l'on désire être sincère, il s'agit de conseiller dans la discrétion et dans la confidentialité, c'est-à-dire entre toi et lui, non en le dévoilant devant tout le monde. Deuxièmement, ce qui fait partie également du bon conseil, la consultation. C'est-à-dire que quelqu'un vient par exemple demander conseil, car il désire marier sa fille à quelqu'un, ou bien il veut s'associer avec quelqu'un dans un commerce et dans une société, il veut alors savoir ce que tu penses de cette personne. Est-ce qu'elle est honnête ou non? Et dans ce cas, tu te dois obligatoirement de lui dire ce que tu penses. Et ce n'est pas de la médisance, car c'est un conseil obligatoire. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim selon Fatima bint Qais radiallahu anha. Celle-ci dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Ya Rasulallah, Muawiyah et Abu al-Jahl m'ont demandé en mariage. Conseille-moi. » Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit, « Muawiyah est un galeux qui n'a pas d'argent. Et Abu al-Jahl ne baisse jamais le bâton de son épaule. » C'est-à-dire soit il voyage beaucoup, ou bien il frappe les femmes. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a conseillé de se marier avec Usama ibn Zayd, ce qu'elle fit. Donc ceci fait partie du bon conseil. Alors si quelqu'un vient te consulter à propos de quelqu'un, tu te dois de lui dire ce qu'il a comme défaut. Et tu n'as pas à cacher cela. Par exemple, s'il ne prie pas, ou s'il pratique des transactions usuraires, ou s'il boit de l'alcool, s'il ne suit pas les prescriptions de la religion, tu te dois de le dire. Et tu n'as pas à le cacher, car ceci est obligatoire. Comme par exemple, également, si quelqu'un te demande un conseil sur une personne qui lui a demandé d'être son associé dans une société, en voulant savoir si cette personne est honnête. Si tu sais toi que cette personne est un escroc ou un avare qui mange les biens des autres illégalement, tu te dois de lui dire et de lui conseiller. Et ceci n'est pas de la médisance. Et la preuve en est le hadith de Fatima bint Qais que l'on a cité auparavant. Troisièmement, parmi les cas également qui entrent dans le conseil obligatoire, le fait de dénoncer quelqu'un qui ne fait pas son travail auprès d'un responsable. Et ceci ne fait pas partie de la médisance. Donc tout cela fait partie du quatrième cas, de la quatrième exception, à savoir le cas du conseil obligatoire. Le cinquième cas est l'autorisation de médire sur le pervers, qui annonce lui-même sa perversité et sa désobéissance et son injustice. Les pervers n'ont pas de dignité, comme celui qui boit de l'alcool, ou bien celui qui fait al-riba, qui commet l'usure, ou bien ceux qui annoncent aux gens leurs péchés, ou bien les hypocrites, également ceux qui insultent la religion, et ceux qui poignardent l'islam en insultant les pratiquants, et en les traitant de terroristes et d'extrémistes. Ces gens-là n'ont pas de dignité, et parler en mal d'eux est autorisé. Et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent selon Aïcha, radiallahu anha. Celle-ci a dit, Un jour, il y avait un homme qui a demandé l'autorisation pour rentrer voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, « Autorise-lui, quel mauvais frère de tribu !» Et il a ainsi parlé derrière lui, mais cette médisance est autorisée, car cette personne était perverte et désobéissante, et la preuve en est également ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari selon Aïcha, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit sur deux hypocrites, « Je ne pense pas que telle personne et telle personne connaissent de notre religion quelque chose. » Le sixième et le dernier cas où la médisance est autorisée, c'est le fait de décrire quelqu'un en citant un de ses défauts, à condition que ce ne soit pas pour se moquer de lui. Par exemple, pour décrire quelqu'un qui boite, ou quelqu'un qui est aveugle, ou d'autres, mais sans se moquer de lui. Mais si c'est simplement pour le décrire, alors ceci est autorisé. Ces six cas ont été cités par l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans l'explication du recueil authentique de l'imam Muslim, et que la plupart des savants de Ahli Sunnati wal Jama'a ont confirmé. Et en dehors de ces six cas, la médisance est bel et bien interdite et fait partie des plus grands péchés et représente également une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Donc, ayyuhal ikhwatul kiram, mes chers frères et sœurs, faites attention et méfiez-vous et entraidez-vous à délaisser la médisance et conseillez-vous lorsque vous entendez quelqu'un médire et interdisez-lui et n'ayez pas peur du blâme d'un blâmeur. Et si vous ne le pouvez pas, alors quittez et lâchez ces réunions de médisance, car sinon vous obtiendrez certes un péché équivalent. Je demande à Allah, Jalla wa Ala, par ses noms parfaits et par ses attributs sublimes, qu'il purifie nos langues de toutes ces maladies, et qu'il nous purifie du mensonge, ainsi que de namimah et de la médisance, et qu'il nous épargne du châtiment de la tombe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.